pis comme un bois mort. Désolé, refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre parce qu'on sait qu'on va mourir. Ma gloire panda de bus. Ntango yoza na makati ne magabi lobwe. Kone mate. Toki te bana ya kate bako ya kosungu. Kone mate. Toki te batu ya nzela bako ya koideyo. Kone mate. Opeta mo kongote de gina ya otele kote. Kone mate. Ye maniki ya langa papa na merdi na londo. Erenga boli wa sangre seza la wakatu la kire kasangulu. Wa sobete li bango turu ma wa eko si mate. Mamari fokolo gara jezo mo. Tuko koti sa no trepe. Eni engi li kole indanka ke. Pasu kongule moga. Tazo la kema. Doli makambo bourgoumestre mon ami. Adomo Wanga, Emedo Kisolo, Lorraine Botulu, Thierry Zande, Mike Malusa Bokulaka. You're facing a cadeau public. Résolve des cartons fugaces. Pour toi, je suis obligé de me dire. Marino et la Madinga. Donc, elle a qui a déception. Je fais le bon à cadeau de vous. Les autres filles sont soumises. Absence et mêlée qui m'a castigé. Au nom de Mayassi. Ma survie a tellement battu ma lobby. Christian Moko Libreville. Yeah.